إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب قبل أن نبدأ إن شاء الله في المسائل الجديدة، جمعي إن شاء الله في عن تعليق لين بقول الشيخ الإسلام ابن تيمية فيما يتعلق بالمسألة 31، لا 31 مسألة كنا بيبري كي تي عداوتهم للدين الحق ومحبتهم للدين الباطل. qu'ils prennent qu'ils ont la haine pour la vérité et aiment le faux. il y a un كلام de شيخ الإسلام يعني يتعلق بهذا qui est lié à cela et que j'aimerais lire justement afin de من باب تتمة الفائدة pour compléter la فائدة par rapport à cette masala. comment les gens se retrouvent à se détourner de la vérité pour se pencher vers le faux. Et lui va évoquer ici deux points, deux catégories de personnes en particulier, mais en réalité cela concerne tout le monde. Il va parler des gouverneurs et des ulama. Al-Hukam ou al-Ulama. فقال dans son livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, Safhat 334, dans ma tabaq j'ai à moi, يعني لباج 334. فقال فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحدثتكم بدعة إلا نزع عنهم من السنة مثلها إلا نزع عنهم من السنة مثلها. donc il dit qu'il fait rapporter le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم qu'il est dit qu'il n'y a pas un peuple qui n'est innové sans qu'un en contrepartie, il leur faut retirer une sunnah. C'est-à-dire, chaque bid'ah t'amène à tuer une sunnah. هذا كل معروف. ثم قال وقد أشرت إلى هذا المعنى فيما تقدم وبينت أن الشرائع أذعية القلوب. فمتى اعتزت القلوب بالبدع لم يبقى فيها فضل للسنن. فتكون بمنزلة من اختزي ومن اختزى بالطعام الخبيث. Donc il dit qu'il avait déjà indiqué cela dans le livre auparavant. Et qu'il a démontré que la sharia du din, c'est comme une alimentation pour les cœurs. Quand même, c'est de l'alimentation pour les cœurs. Et que lorsque le cœur est rempli par les bidas, alors il n'y a plus de place pour les sunnan, pour la sunna. Donc cela revient à une personne qui viendrait à se nourrir de choses mauvaises. C'est-à-dire, c'est comme toi demain, si tu manges, que les choses mauvaises, t'en es rassasié. Il n'y a plus de place pour les bonnes choses. Parce que tu n'as plus faim. Ton cœur, ton estomac, il est rempli. Donc là, il compare les cœurs à ceux-là qui ont les remplis avec des choses, qu'il ne reste plus de place pour les autres. ثم قال وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعا من السياسات الجائزة من أخذ الأموال لا يجوز أخذها وعقوبات على الجرائم لا تجوز لأنهم فرطوا في مشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc il dit justement pourquoi est-ce que les gouverneurs ont apporté des choses nouvelles dans les politiques, مثلاً comme le fait de prendre des biens qu'il n'est pas permis de prendre, ou d'apporter des sanctions qui ne sont pas permises, كذلك, c'est tout simplement du fait qu'ils ont été négligents dans ce qui touche à la législation, dans l'ordre du convenable et la prohibition du blâmable. وَإِلَّا فَلَوْ قَبَضُوا مَا يَسُورُ قَبْضُهُ ووضعوا حيث يسوء وضعه طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة أنفسهم وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضع والقريب والبعيد متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله لما يحتاجوا إلى المكوس الموضوعة ولا إلى العقوبات الجائرة Donc il a dit que si, par exemple, eux, en réalité, ils n'avaient pris, comme bien des gens, que ce qui était permis de prendre, et qu'ils n'avaient imposé comme loi que ce qui était permis de poser, en recherchant par cela l'application de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et non pas l'élévation de leur personne, le fait de devenir roi ou président, ou de devenir un leader, et qu'ils avaient appliqué les sentences de la religion, qui sont légiférées, sur le noble comme sur le pauvre, pour le proche, comme pour l'éloigner, c'est-à-dire qu'ils avaient été justes, en cherchant par cela le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'auraient pas eu besoin de toutes ces lois inventées, ni de ces sanctions Yani, ces sanctions qui sont, elles, abusives. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils ont pris du faux, ils en ont perdu le vrai. Ça ressemble à ce qu'on disait dans la Mas'ala. Ça, c'est par rapport au gouverneur. Du fait qu'il délaisse la charia, il se retrouve à faire des choses, à tomber dans le zulm. Car, il commet le hudud, ou il commet la charia, yu'addi ila al-adl. Celui qui applique la charia, ça va l'amener à être juste. Celui qui les délaisse, il va tomber dans la justice, qu'il s'en rend compte ou pas. Et qu'il le veuille ou non. Et si jamais on sait qu'il voit que cela est permis, ce qu'il fait, ou que c'est meilleur que la loi d'Allah, ça c'est un kafir. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Taïb. ثم قال وكذلك العلماء إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا ما فيه من البينات التي يحجج التي يحجج الله وما فيه من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح وأقاموا حكمة الله التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهي سنته لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الناس. Donc pareillement pour les ulama, si jamais ils avaient appliqué le livre d'Allah, qu'ils l'avaient bien compris, ce qui contient comme éclaircissement et comme argument venant d'Allah, est-ce qu'il contient comme guidée, qui est la science profitable et les œuvres pieuses, et qu'ils avaient justement instauré la sagesse d'Allah, celle par laquelle il a envoyé son messager, c'est-à-dire sa sunna, ils auraient trouvé en cela beaucoup de sciences profitables. Ils n'auraient pas eu besoin de ce que les gens ont inventé comme autre science. Fahim ? Thumma qala وَلَمَيِّزُوا حَيْنَئِذٍ بِنَ الْمُحِقِّ وَالْمُبْتِلِ مِنْ جَمِيعَ الْخَلَقِ. Ils auraient pu discerner entre cela, entre celui qui a raison, celui qui a tort, dans la création. بِوَصْفِ الشَّهَادَ أَلَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ لِهَدِي الْأُمَّةِ. Et cela, en se tenant sur ce que Allah SWT a attesté de cette communauté. فِقُولِي عَزَ وَجَلَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Et c'est comme cela qu'on fait de vous une communauté juste au milieu, afin que vous soyez des témoins sur les gens. فقال ولا استغنوا بذلك عن ما ابتدعه المبتدعون من الحجج الفاسدة التي يزعم الكلاميون أنهم ينصرون بها أصل الدين. Et il se serait passé par cela de ce qu'ont innové les innovateurs et comme faux argument ceux qui sont prétendus par justement les gens du kalam, falasifa, les philosophes, ceux qui prétendent que par cette philosophie et ces faux arguments ils veulent secourir la religion. Donc là, c'est ce qu'il dit. Tu tombes dans la bida, pourquoi? Parce que tu as délaissé la sunna. Et tu tombes dans les ma'asi, pourquoi? Parce que tu as laissé l'istiqama. Ça revient à cette mas'ala. Donc là, c'est min bab al fa'ida faqat. Wa l'an sanarji'a ila kitabina. Wa fanabda fil mas'ala arabia wa thalathin. Donc là, on prend dans le livre, qui est dans la 34e mas'ala. Donc que chaque groupe se vante lui-même en dehors des autres. فقال رحمه الله تعالى يعني المؤلف أن كل فرقة تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله بقوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ثم بينا الثواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فلو أجروا عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Il dit que chaque groupe prétend qu'il est le groupe secouru et que Allah les a démentis dans sa parole, dans le sens où il dit, et ils ont dit que personne n'entrera au paradis si ce n'est l'Yahoud, celui qui est un Yahoud ou celui qui est un Nasrani. Telles sont leurs prétentions. Dit, apportez donc vos preuves si vous êtes véridiques. Et par la suite, il a démontré quelle était la parole qui était correcte, sawab, dans sa parole, dans le sens où il dit. Et si celui qui se soumet, qui soumet son visage à Allah, et qui est bienfaisant, c'est-à-dire, ils auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Nul peur sur eux, ils ne seront pas attristés. Donc voilà les gens du paradis. Man aslama wajhahu lillah, celui qui a soumis son visage pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui est muhsin, qui est bienfaisant. Qala al-sharih hafizahullah ta'ala min masail al-jahiliya anna kull firqatin minhum tad'i anna hiya allati 'ala al-haqq wa anna ghayraha 'ala al-batil. Donc c'est parmi des masail de la jahiliya que chaque groupe, chaque secte prétend être sur la vérité et que les autres sont sur le faux. comme les Yahoud et les Nasara, ils le faisaient, comme dans le verset cité. وَحَصَلُوا الْهِدَايَةَ وَدُخُولَ الْجَنَّةَ فِي الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى qu'ils ont restreint et n'ont réservé l'entrée au paradis que pour soit les Yahoud ou soit pour les Nasara, l'un des deux. C'est-à-dire pour les Yahoud, les Nasara ne rentrent pas au Jannah, et pour les Nasara, les Yahoud ne rentrent pas au Jannah. Enfin, les muslimoun, pour eux, les muslimoun, ni l'un ni l'autre, là-dessus, ils seront d'accord les deux. Les Yahoud et les Nasara seront d'accord les deux, par contre, que même les muslimoun ne rentrent pas au Jannah. Donc il dit séparé pour tous les groupes déviés dans la religion, aujourd'hui en islam, qu'ils prétendent être sur la vérité et que les autres sont sur le faux. Comme le faisaient les Yahoud et les Nasara. C'est la même chose. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ستفتلق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Donc il a dit que le prophète صلى الله عليه وسلم que sa communauté va se diviser en 73 sectes, toutes seront au feu sauf une. Et après, dans ce même hadith, il a démontré quel est le groupe qui lui sera sauvé. Quand il fut interrogé, man hiya ya Rasulullah, قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. Il a dit celui qui est sur ce quoi je suis, ainsi que mes compagnons. Donc là, il démontre bien que la voie à suivre, celle qui est celle de le groupe sauvé, c'est ceux qui sont sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec la compréhension des sahaba des salafs. Pas autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué quel est le groupe qui est sauvé. Donc celui qui vient en dire cela ne rentre pas dans les mercenaires de la jahiliya, car lui il parle avec un dalil maintenant. Alors que dans le verset, Allah dit وَهَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِّقِينَ. Apportez vos preuves, vous les juifs, apportez vos preuves. أَنْتُمُ الْيَهُودُ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. أَنْتُمُ النَّصَارَى هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. Vous les chrétiens, c'est quoi votre preuve? Vous les juifs, c'est quoi votre preuve? Vous n'avez pas. Et les autres groupes en islam, pareil, n'en ont pas. Les seuls qui auront un dalil, ce sont les gens qui suivent la salafiyya. Ils auront le hadith. D'ailleurs, ce hadith, les gens de la bid'a ont voulu le da'af, le rendre faible. Alors que le hadith, c'est les juger hassan avec toutes les voix rassemblées. Donc ceux qui prétendent qu'ils sont des gens du Jannah, sans preuve, cela ne sont que des prétentions. Et que cela n'est accepté qu'avec un dalil. Donc là, le fait de prétendre cela est parmi les masailles de la jahiliya. Faqal, fil akhir. قال هذا المنهج السليم الذي من كان عليه صار من الفرقة الناجية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي هذا ضابط من السنة والآية ضابط من القرآن فمن كان يريد الجنة فليسلم وجهه لله ويحسن عمله على السنة ويجتنب البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. Donc il dit le manhaj, qui est le manhaj de la réussite. C'est être sur quoi était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le groupe sauvé, comme il le dit. Car il a bien dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est sur ce quoi je suis moi aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Donc ça, c'est les normes de la sunna. Voyez. Par contre, les normes du Coran sont dans le verset. C'est celui qui veut le Jannah, alors qu'il soumette son visage à Allah, et qu'il œuvre dans le bien, en faisant comment? En appliquant la sunna. Et qu'il évite les bidars et les choses nouvelles à innover. Celles dont Allah n'a fait descendre aucune preuve. Taïeb. Thumma qala al-mas'ala al-khamisa wa thalathun. 35e mas'ala. Qala taqarrubuhum ila Allah bi fi'l al-muharram. Qu'ils se rapprochent d'Allah en commettant des actes illicites. Haram interdit. Wa qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. التعبد بكشف العورات كقوله وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. Donc ils adorent Allah et vouent un culte en se dénudant par la nudité, comme dans la parole d'Allah, dans le sens où il dit, et si jamais ils commettent une turpitude, ils disent nous avons trouvé nos pères dessus et que Allah nous a ordonné de le faire. فقال الشيخ الفوزان معلقا على هذا الكلام يتعبد أهل الجاهلية بكشف العورات في التواف لأن الشيطان زين لهم أن من لم يكن من أهل الحرام وجاء من الآفاق فإنه لا يدخل الحرام بثيابه التي جاء بها لأنه عصى الله فيها. Donc les gens de la jahiliya vouent un culte par la voie de la nudité. Ils se dénudent en faisant les tawaf, les circuits rituels autour de la Kaaba. Pourquoi? Parce que Shaitan leur a embelli leurs actions en disant que les gens qui font pas partie du haram, c'est-à-dire de Mecca, autour du Masjid al-Haram, ceux qui viennent de l'étranger, de l'extérieur, qui ne peuvent rentrer avec leurs vêtements avec lesquels ils sont venus, car ils ont désobéi à Allah dans ces vêtements-là. Il te faut des vêtements purs, dans lesquels tu n'as commis aucun péché. Donc ils disent par la suite, soit les gens du haram leur prêtent un vêtement, ou alors s'ils ne trouvent pas, alors ils sont contraints de faire le tawaf tout nu, tout de la Kaaba. Donc ça pour eux c'est une ibada. Donc Allah Ta'ala a appelé le fait de se dénuder, fahisha, turpitude. Donc par la suite après Allah leur a répondu en disant, قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَى. Que certes, Allah n'ordonne pas, justement, les turpitudes. Il n'a légiféré à personne de se dénuder. Bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, شَرَعَ سَطْرَ. Vous voyez ? سَطْرَ الْعَوْرَ. De cacher, justement, les parties intimes. Car cela amène à la fitna. Même exhiber les parties intimes, l'aura, hazaya, yu'adil al-fitna. Donc c'est quoi les deux chebouhettes qui donnent les gens de l'Jahiliya? Qalou, comme a fait l'aya, wajadna alayha aba'ana. Nous avons trouvé nos pères qui agissaient de la sorte. C'est-à-dire déjà taqlid arma, ça avait les masaïl qui sont déjà passés. Taqlid arma. Et deuxième chebouhette encore plus dangereuse, wallahu, c'est-à-dire pour eux, hein, wallahu amarana biha, que Allah nous a ordonné de le faire. C'est-à-dire comme maintenant, ils attribuent à Allah de leur avoir ordonné de faire cette chose-là. C'est-à-dire, ils parlent sur Allah sans science. Ils parlent sur Allah sans science. فَقَالَ اللَّهُ عَزَ وَجَلَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Donc, dit certes, Allah n'a pas ordonné de faire des turpitudes, de commettre des turpitudes. Est-ce que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas? فَقَالَ وَالْقَوْلُ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ جَرِيمَةٌ خَطِيرَةٌ جِدًّا. Le fait de parler sur Allah sans science, c'est un crime immense et extrêmement dangereux. Et les ulama ont appelé ça kazib à Allah. Que tu le fasses exprès ou pas, quand tu parles sur la religion sans science, tu mens sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est venu en quatrième martaba après les choses que Allah subhanahu wa ta'ala interdit. Comme a dit Azza wa Jal, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَّحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ وَالْإِثْمَ وَالْبَغِي بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. Donc dit que mon Seigneur a seulement interdit les turpitudes, ce qui en est apparent ou caché, le péché, ainsi que l'injustice sans droit, et que vous associez à Allah ce qui n'a fait descendre aucune preuve, et que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc regardez bien, Allah subhanahu wa ta'ala mis en dernier, plus grand que le shirk, le fait de dire sur Allah ce qu'on ne sait pas. Et Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il a bien expliqué par rapport à ce verset, que le shirk, ou même la bid'ah, n'ont pas eu lieu si ce n'est qu'en parlant sur Allah sans science. Donc parler sur Allah sans science, c'est la porte à tous les maux. C'est l'origine de kulli shar fi din. Tu ne verras pas une personne s'égarer si ce n'est qu'il n'ait parlé sur Allah sans science. Tu ne verras pas une personne innover si ce n'est qu'il n'ait parlé sur Allah sans science. Tu ne verras pas un muslim tomber dans le shirk si ce n'est qu'il n'ait parlé sur Allah sans science. Pour les alika. Enfin, le kuffar, le même aoule. Les mécréants ont plus forte raison. Donc là, le shahid, c'est que les gens de la jahiliya adoraient Allah en commettant la turpitude, comme le fait de se dénuder ou d'autres choses. Et il dit qu'aujourd'hui, les gens, et même chez les musulmans, pour eux, exhiber ses parties intimes, être habillé, dénudé, c'est du modernisme, c'est de l'avance. C'est-à-dire les gens qui sont habillés de façon pudique, qui cachent leurs parties intimes au réel alika, ce sont des gens retardés, qui ne vivent pas avec leur temps. Pour eux, l'homme moderne, c'est celui qui s'exhibe. Aujourd'hui, on regarde les modes qu'il y a aujourd'hui, les gens s'habillent avec des vêtements complètement serrés. Ils sont habillés, déshabillés. Tout le corps apparaît. Les femmes, c'est comme si elles étaient toutes nues. Et si demain une femme, elle arrive habillée de façon pudique, elle sera critiquée et blâmée. Et celle qui vient nue, elle sera, elle, vantée et aimée auprès des gens. Du moins aimée auprès des gens pour certaines choses. Mais en réalité, les gens n'ont rien à faire d'elle. Juste les hommes auront besoin d'elle pour pouvoir accomplir ce qu'ils ont envie de faire, et en réalité, ils n'auront pas de respect pour elle. Al-Muhim, qu'aujourd'hui, c'est bien dans les mœurs des gens d'exhiber leur partie intime. Wal-A'azubillah. Taïeb. Thumma nukmil bil mas'ala al-sadisa wa salasin. 36e point. قال تقربهم الى الله بتحليل الحلال وتحليل الحرام. Donc le fait qu'ils se rapprochent d'Allah en rendant halal le haram et en rendant haram le halal. فقال المؤلف رحمه الله تعالى التعبد بتحليل الحلال كما تعبد بالشرك. Qu'ils adorent Allah en rendant illicite le licite, tout comme ils l'ont adoré en commettant du shirk. Donc cette masala ressemble à la précédente. Car dans la précédente, c'était quoi? Qu'ils adorent Allah en commettant le haram. Donc c'est forcément qu'ils l'ont rendu halal. Sinon, ils ne le feraient pas. Et en même temps, le fait qu'ils aient dit de ne pas rentrer dans la Kaaba, autour de la Kaaba, enfin le Tawaf avec des vêtements pour l'étranger, avec celui-là qui a voyagé ou quoi, ils ont rendu haram le halal. Donc c'est des masala mutakariba, kazalik. D'accord, les shirk al-fawzan. حفظه الله تعالى من مسائل الجاهلية تعبدهم أي تقربهم إلى الله بتحريم ما أوجبه الله وحرموا العورة في التواف كما سبق في حال المشركين. Donc parmi les مسائل de la jahiliya qu'ils adorent Allah en se rapprochant de lui en rendant illicite ce que Allah SWT a rendu obligatoire. Donc ils ont rendu illicite le fait de cacher la awra. Pour eux, si tu fais le tawaf près de la Kaaba et que tu habilles avec tes vêtements de l'extérieur, cela c'est haram pour eux. Donc il dit pareil pour les Yahoud et les Nasara. فَالنَّصَارَ حَرَّمُوا أَنفُسِهِمْ كَثِيرًا مِنْ طَيِّبَاتِ. Que les Nasara sont interdits beaucoup de choses. Et que les Yahoud, c'est le contraire, sont rendus permis beaucoup de choses. De ce que Allah SWT leur a rendu interdit. Comme le riba, par exemple, l'usure. Ou أَكْلْ أَمْوَلِ النَّاسِ بِالْبَاطِ. Le fait de manger le bien des gens, faussement. Mais quand on regarde bien, aujourd'hui, actuellement, là, c'est plus le contraire. C'est-à-dire que les chrétiens se sont permis beaucoup de choses. On va presque dire que pour aujourd'hui tout est permis. Et les juifs, eux, c'est le contraire. Ils sont interdits beaucoup de choses. Fil haqiqa, quand on voit aujourd'hui comment ça se passe. Les chrétiens, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas de limites. Ils n'ont pas d'interdit. Pour eux, Dieu est amour. Pour eux, comme disait Issa, c'est-à-dire Jésus est descendu et est mort pour pouvoir purifier le sang des hommes. C'est-à-dire pour pouvoir purifier tous les péchés des hommes, il s'est sacrifié. Donc à partir du moment où il est mort, sur la croix pour nous, il était crucifié pour nous, khalas, on est pardonné de tous les péchés. Donc ça, c'est une croyance qui amène à l'ibaha. Il y a une aqida ibahiya qui rend tout licite. Même le kufr. C'est-à-dire, demain, quelqu'un, il vient, il fait du kufr, il ne l'excommunie pas de la communauté tant que lui n'a pas voulu être excommunié, comme on dit. C'est-à-dire, demain, pour ne plus être chrétien, chez eux, il faut que tu le demandes toi-même. Tu dis, je ne veux plus être chrétien, enlevez-moi du registre. J'étais baptisé, je renie ce baptême, cette communion, tout ce que j'ai fait. Et là, il te raye de la liste. Et tant que tu ne l'as pas demandé, tu as été baptisé, tu t'es dit chrétien, ou tu as fait tout ce que tu as à faire comme rite, tu peux faire ce que tu veux, à la fin, quand tu meurs, ils t'enterrent, ils amènent le prêtre, ils font le sermon sur toi, dans le cimetière des chrétiens, et ils font tout ce qu'il y a à faire, tu es mort chrétien. C'est un irjé, chez eux. Irjé al-Jahmiya. Ça, c'est l'irjé al-Jahmiya. Le jahmiya, c'est quoi le religieux? Le fait de savoir que Allah, il existe. Al-ma'arifa. Mujad al-ma'arifa. Il n'a mis à coup de l'kol. C'est l'idée de j'ai oublié. C'est le ma'arifa ou le kol. Le fait de simplement dire que Allah, il existe, de croire en Allah. Après, quoi que tu fasses, t'es un mu'min, t'es un croyant. Wa la'az billah. Donc, parmi les choses de la jahiliya, que les gens, justement, adore Allah en commettant les désobéissances. فالمسألة خطيرة جدا كما تعبد أهل الجاهلية بالشرك وهذا أعظم. Donc c'est un sujet qui est très dangereux. Car les gens de la jahiliya, ils adoraient Allah comment? En faisant du shirk. Pas même? En faisant du shirk. Donc ce que les gens font aujourd'hui comme acte shirkiya, min al-masail al-jahiliya. Le fait d'aller voir le wali fulani, de demander de faire shafa'a pour toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, هذا من مسائل الجاهلية. تماما. Ou le fait d'aller voir un voyant, d'aller voir un sorcier, ou de faire ce genre de choses, من مسائل الجاهلية, tout se joint, tout est lié. هذا. Donc là, c'est les trois masailles qu'on a pris aujourd'hui, plus la faïda de Shir al-Islam, Kalim Shir al-Islam. On a pris la masala, qui était que chaque groupe se vante lui-même en dénigrant les autres. Comme souvent, comme étant les gens du paradis. La masala, تقربهم إلى الله بفعل المحرم. Qui se rapproche d'Allah en commettant les choses interdites. Et la masala sadisa, qui prennent comme adoration le fait de rendre licite l'illicite et de rendre illicite le licite. Ava. Fabiad al-Qadnaqtafi, Nakul Subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.